Chapitre 27e. Au petit jour, Henri fut réveillé par un bruit formidable qui éclatait sous sa fenêtre. Il repoussa le volet et aperçut Gilbert tout couvert de poussière qui riait, criait, gesticulait. La bigorne tournait autour de lui et l'embrassait. Noël chantait, Falco aboyait. « Dieu qu'il est beau, qu'il est grand !» répétait la bigorne. « En voilà au moins que Paris ne m'a pas gâté. On dirait un seigneur, » dit Noël. Gilbert appliqua un grand coup du plat de sa main sur l'épaule de Noël. « Eh bien, mon garçon, ma seigneurie a grand faim » s'écria-t-il. « Va-t'en tordre le cou à une demi-douzaine de poulets et mets trois canards à la broche. Pendant qu'ils rôtiront, la bigorne fera sauter une omelette et tirera du bon coin derrière les fagots une ou deux bouteilles de ce vieux vin de Bourgogne que monsieur le duc tenait en réserve pour les grandes occasions. Bah, te dis-je, ou je te coupe en deux. À la bonne heure, on va rire à présent, répondit Noël, qui s'éloigna d'un pas tranquille. Quant à toi, continua Gilbert en secouant la main d'Henri, tu vas t'habiller au galop, je t'enlève. Jour de Dieu, vous enlevez notre maître, s'écria la bigorne. Oui, la bigorne, mais seulement après qu'il aura déjeuné. Et si tu dis un mot, je t'enlève aussi. « Et où me conduis-tu » demanda Henri qui s'habillait à la hâte. « Je n'en sais rien encore. Mais tout en dégustant le vin de ton père, nous le devinerons peut-être. C'est toute une histoire. Tout au moins daigneras-tu me la communiquer. Parbleu, je ne suis venu que pour cela. Le côté amusant de la chose, c'est que nous irons très loin du côté de l'Orient, je crois. » La bigorne leva les mains au ciel. « En Orient ! Eh bon Dieu, où cela est-il ? Dit-elle. C'est dans un endroit où les femmes ne parlent jamais, reprit Gilbert qui l'embrassa sur les deux joues. Aussi c'est-il par là que le bon Dieu avait placé son paradis. Là-dessus va casser les œufs. Au bout d'un instant, le couvert était dressé à cette même place où si souvent la bigorne versait la soupe fumante au retour des chasses d'automne. Il n'y manque plus que monsieur le duc, dit-elle en s'essuyant les yeux. Bon, tout recommence. S'écria Gilbert qui attaqua l'omelette. « En attendant, mangeons, buvons et partons. »« J'y consens, mais pourquoi partons-nous » dit Henri. « Parce que j'ai passé une soirée à l'opéra. » Voilà de ces aventures qui me sont arrivées souvent. Et cependant, je n'ai pas rendu visite au pays des Almées. C'est que tu étais assis vertueusement à l'orchestre, tandis que le diable m'avait poussé traîtreusement dans une loge. Gilbert fendit un canard en quatre et la fourchette en l'air. « Connais-tu la princesse Vassilissa ? » reprit-il. Henri chercha dans ses souvenirs. « Non, je ne la connais pas. Après ? Eh bien, c'est absolument comme si tu la connaissais, attendu que moi qui la vois tous les jours, je ne la connais guère plus que toi. Ah ? Figure-toi une femme. Non, ne te figure rien. Un portrait en parole n'a jamais rien signifié. D'ailleurs, il me faudra la peindre en vers. Pour te donner une idée passable, et l'usage des rimes ne m'est point familier. Le canard venait de disparaître. La bigorne posa un jambon sur la table. En somme, continua Gilbert, il t'importe peu qu'elle soit laide ou jolie, bien bâtie ou de travers. Elle a le diable au corps. C'est une de ces étrangères qui traversent Paris un temps, y font beaucoup de bruit, et disparaissent tout à coup. On dirait des bohémiennes ou des météores. Les feux follets ne laissent pas plus de traces. Gilbert s'interrompit et resta un instant l'œil immobile comme quelqu'un qui regarde en soi. « As-tu remarqué, reprit-il presque aussitôt, quelle extraordinaire quantité de femmes singulières le Nord envoie à l'Occident? On les rencontre à Bade, à Londres, à Paris, à Trouville, partout où le monde s'assemble et jette un vif éclat. Pour la plupart, elles sont d'origine slave et presque toutes princesses. Elles ont l'apparence de la distinction, le vernis de l'élégance, la surface de l'esprit, la fumée de l'imagination, une teinture de toutes choses, et avec tous ces semblants, le don des langues. Au demeurant, nerveuses comme des parisiennes, et avec cela une intelligence active qui comprend tout sans creuser rien, et une propriété si complète d'assimilation qu'il n'est pas impossible que leur cœur ait des pulsations sincères et leurs paroles des accents de vérité. Par exemple, ne grattez pas. Ma divinité appartient à cette famille d'hirondelles qui, l'occasion aidant, ont le ramage de la fauvette et du rossignol. « Bon, dit Henri, je connais des femmes de Paris, nées à Paris, qui ressemblent aux princesses dont tu viens de me faire le portrait. La mienne arrive de Bucarest ou de Moscou, ce me semble, et s'en va toujours courant à Constantinople ou à Tiflis. Où l'ai-je rencontré? Que diable c'est? Sait-on jamais où l'on fait la connaissance des gens qui glissent sur le boulevard? J'ai idée que j'ai passé une soirée à côté d'un piano sur lequel elle faisait beaucoup de bruit. Un piano, s'écria Henri. Elle en joue si mal. Comme je lui faisais mon compliment. C'est pour me venger, me dit-elle. Notre conversation s'est prolongée dans un jardin au clair de la lune. Je me suis aperçu alors qu'elle avait les yeux verts. C'est une nuance perfide dont j'ai toujours été fou. Je le lui ai dit. « Grand bien vous fasse, » m'a répondu la princesse. « Depuis ce moment, nous ne nous quittons plus. On ne voit que nous à l'opéra, aux Italiens, dans le monde où va le monde. Tel jadis Philémon et Baucis. Mais le plus clair du temps que nous passons ensemble, nous l'employons à nous chamailler. Je lui ai juré 4 ou 5 fois que je l'adorais. Elle m'a ri au nez et m'a donné sa parole qu'elle n'en croyait pas une syllabe. Elle n'a pas tort. Tu ne l'aimes donc pas? Dieu m'en garde. Où serait le plaisir si je l'aimais? Très bien. Et le voyage? Nous y voici. L'autre jour, nous étions à l'opéra où l'on essayait un ténor tout neuf. Or, j'ai fait cette observation que la musique me poussait malheureusement à la tendresse. J'admirais donc le coloris lumineux et profond de ses yeux. Cette admiration me conduisit à lui dire que j'irais jusqu'au bout du monde pour les revoir. Elle haussa les épaules. Cette incrédulité m'enracina dans ma stupidité. « Madame, j'en fais le serment !» m'écriai-je dans un bel élan d'enthousiasme. La princesse tourna ses larges prunelles de mon côté. « Eh bien, répliqua-t-elle, je gage que vous n'iriez seulement pas jusqu'à Jassy ou jusqu'à Trébizonde. Et ce n'est guère qu'à 3 ou 4 000 kilomètres de la rue de Pelletier. » J'ôtai le gant de ma main droite et la levai silencieusement vers le plafond de notre loge. Ce serment muet fit sourire ma voisine. « Prenez-y garde, je pourrais bien vous prendre au mot, » reprit-elle en mettant sa petite main dans la mienne. « Je pars à la fin du mois et vais en Crimée où j'ai un château, je ne sais pourquoi. Peut-être pousserai-je jusqu'en Perse en passant par le Caucase. Si je vous y rencontre, les yeux que voilà daigneront vous reconnaître. » À ces mots, la température de mon enthousiasme subit un abaissement de plusieurs degrés. Qui diable a jamais entendu parler de femmes qui vont en Perse? J'ai été pris au trébuchet. Mon visage eut la maladresse de trahir mon désenchantement. Allez, pauvre Parisien que vous êtes, je vous rends votre parole, reprit la princesse d'un air de pitié. Un mouvement d'orgueil national me fit relever le front. Madame, au revoir, lui dis-je. Ce récit terminé, Gilbert remplit son verre et le vida en soupirant. Et voilà pourquoi tu pars? Dit Henri. La raison ne te paraît-elle pas bonne? Elle est extravagante, cela suffit. Oui, pour toi, mais pour moi. Oh, toi, tu t'ennuies. Tu ne le sais pas, mais j'en suis sûr. Et puis tout le monde va en Orient. On doit ce voyage à sa jeunesse. Y manquer, c'est faire faillite aux traditions. Donc, tu m'accompagnes. Dans un an, nous serons de retour. Gilbert vida son verre et dans celui d'Henri ce qui restait de la bouteille de vin de Bourgogne et l'avalant d'un trait. « À la santé de notre voyage, » s'écria-t-il. « Ainsi nous partons, bien décidément. Dans 1 heure, s'il te plaît, après avoir pris une tasse de ce café que la bigorne fait si bien. Ma voiture est là. Mais c'est de la folie, » s'écria la pauvre servante. « Je laisse faire bien. C'est ce qui fait le beau de l'affaire. Comment, monsieur Gilbert? Vous avez une bonne maison et votre chambre est encore en ordre? Vous n'êtes pas méchant? Il vous est tombé un héritage d'un oncle que vous aviez en Amérique? Vous pourriez faire le bonheur d'une honnête fille qui serait votre femme et qui vous donnerait de beaux enfants, et voilà que vous voulez courir le monde avec votre ami. Qu'est-ce que c'est que cette Perse et ce Caucase dont je vous entends parler? C'est un pays tout rempli de Turcs. Ah, les pauvres petits, et c'est là-dedans que vous allez, reprit la bigorne qui était à bout d'éloquence. Ne pleure pas, lui cria Gilbert, regarde cette hirondelle qui gazouille dans son nid. Elle est allée bien plus loin, et cependant la voilà revenue. Il est certain que si j'avais été moins paresseux, dit Noël, j'aurais aimé visiter toute la terre, mais j'étais déjà nonchalant étant tout petit. C'est pourquoi je n'aime pas remuer. Henri caressait du bout des doigts la petite bourse qu'il avait au fond de la poche. Il pensait à Mademoiselle de la Morlaix. Voyons, reprit-il, tu me permettras bien de consulter mon père, le duc. Crois-tu donc que je veuille partir sans l'avoir embrassé? Je prétends lui conter mon histoire et il me donnera raison. La bigorne ne disait plus rien. De gros soupirs soulevaient sa poitrine. Noël allait et venait. Gilbert avalait son café par petites gorgées. Je ris en pensant à la figure que fera la princesse en m'apercevant coiffée d'un bonnet en peau d'astrakhan et armée d'un cimetière. J'aurai des bottes rouges et des éperons trop longs pour un cheval. Ce sera comme si je partais pour le bal masqué. Il se leva. En route à présent, reprit-il. Les chevaux ont mangé l'avoine et le mèneront tout d'un trait jusqu'à cette ville, d'où notre ancien ami M. Bonafou s'est sorti si souvent. Bon. Et ma valise? On s'habille, j'imagine, en circassie. La voilà, dit Noël qui arrivait en courant. Quand j'ai vu le tour que prenait la conversation, j'ai compris comment elle finirait. Toi aussi? S'écria la Bigorne et des larmes jaillirent de ses yeux. Bientôt après, elle vit la voiture qui avait amené Gilbert tourner le dos à la Cormelle et s'éloigner. Cette fuite nouvelle lui rappela le premier départ qui l'avait tant affligé. Comme autrefois, elle avait le cœur gonflé. Mais elle ne savait pas alors, comme elle le savait autrefois, où allaient ces deux enfants qu'elle aimait, comme s'ils eussent été le fruit de ses entrailles. Deux voix qui avaient un écho dans son cœur lui criaient au revoir. Mais loin de la consoler, ces voix, qui de seconde en seconde allaient s'affaiblissant, augmentaient son chagrin. Lorsqu'elle ne les entendit plus, ses deux mains qui agitaient un mouchoir tombèrent sur ses genoux. « Ah, les pauvres mères !» dit-elle. Et jusqu'au soir, elle resta à la même place, cherchant à croire qu'il reviendrait et se répétant sans cesse qu'il ne reviendrait pas. Henri et Gilbert trouvèrent M. de Carlepont et M. de Bléré qui déchargeaient leurs fusils dans un marais. On eut bientôt fait de laisser là chien et bécassine et de gagner la maison. Là, le duc les regardant. « Ça, leur dit-il, vous n'arrivez pas, j'imagine, l'un de la Cormelle, l'autre de Paris, pour le plaisir tout simple de partager nos exploits. Il y a quelque anguille sous roche, n'est-ce pas ?»« Cette anguille est un projet, » répondit Gilbert en souriant. « Et tu en es certainement l'auteur, mon garçon, » ajouta M. de Bléré. « C'est ma prétention. » « Voyons le projet, » continua M. Carlepont. Quelques mots le mirent au courant de l'aventure. « Maintenant que vous savez tout, » dit Gilbert en finissant, « vous plaît-il, monsieur le duc, de me prêter votre fils pour faire un tour chez les Ottomans ?»« C'est un accès de démence, » s'écria M. de Bléré. « Je ne dis pas non, Dieu m'en garde, » répliqua le duc doucement. « Mais que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. »« Diable !» fit le Breton. « Alors, affaire conclue, » s'écria Gilbert. Monsieur de Bléré, qui nettoyait son fusil en vieux chasseur pour qui les armes sont des joyaux, tourna la tête vers le duc. « Ainsi, » dit-il en souriant, « il est écrit que les folies se succéderont de père en fils pendant toute l'éternité et que personne ne protestera jamais. Je veux du moins que la question soit discutée. J'avoue même qu'elle me plaît de prime abord par un côté fantasque qui me rappelle ma jeunesse. Mais d'abord, qu'en pense mon fils ?» Henri, interpellé directement, raconta sans hésiter dans quelle disposition d'esprit Gilbert l'avait surpris à la Cormelle. Il était à la veille de la quitter, c'est vrai, mais ce n'était certainement pas pour aller en circassie. « Hé hé !» fit le duc d'un air de sévérité. « Tu me parais bien prompt à courir vers de nouvelles bourrasques. Te sens-tu si bien maître de ton cœur que tu puisses un honnête homme l'offrir à qui ne le demande pas ?» Henri ouvra la bouche pour répondre. « Au surplus !» ajouta M. de Carlepont, « la cause est entendue. À demain, le jugement. »« Alors bonsoir, » dit Gilbert. « Voilà deux nuits que je cours la poste et les chemins de fer tour à tour. Je vais dormir, et de rêver qu'une tribu de montagnards me nomme roi à la majorité de 10 000 yatagans. » Resté seul avec M. de Bléré, M. de Carlepont se mit à se promener de long à large. Deux fois il alluma un cigare et deux fois il le laissa s'éteindre. « Est-ce bien sérieux ?» lui demanda le Breton qui faisait jouer amoureusement les batteries de son fusil. « Très sérieux. Je viens de causer mentalement avec une morte. Elle sait que je ne pense qu'au bien du fils qu'elle m'a laissé. Une première fois, je l'ai exposé à tous les feux de la civilisation la plus raffinée. Quel homme pourra se vanter de sentir mieux qu'il ne l'a fait ? Les feux de la guerre où je veux le conduire ne sont pas plus dangereux. « La guerre ?» s'écria M. de Bléré. « Oui, la guerre. Il lui faut le baptême des obus et des balles comme il a eu le baptême des passions, le baptême du travail. Nous sommes une race d'hommes d'épée. et je le conduirai dans ces mêmes sentiers que j'ai parcourus. Vous avec lui, et pourquoi non? N'étiez-vous pas aussi quand nous tirions des coups de fusil aux soldats rouges de la Compagnie des Indes? Mais les conditions ne sont plus les mêmes. Où me conduisaient les fantaisies d'une jeunesse vagabonde? La mission de pétrir un cœur qui m'est confié me ramènera. J'ai mon projet, si Gilbert a le sien. D'ailleurs, je le connais, ce jeune et hardi compagnon que j'ai donné à mon fils comme un frère. Si la seule ambition de poursuivre une princesse le poussait jusqu'au fond du Caucase, il n'aurait pas cet air d'aisance et de fierté que vous lui voyez. Je l'ai bien observé tandis qu'il parlait. Un autre sentiment, qu'il nous dira peut-être, l'inspire, et d'avance, quelque chose me dit que je ne le désapprouverai pas. Quant à Henri, il a dans sa main les diplômes, qu'il me permette d'en faire à mon gré un diplomate, un magistrat, un ingénieur, un capitaine. Toutes les carrières s'ouvrent devant lui. Mais celle qui est morte dans mes bras ne m'a pas dit « Vous en ferez ceci ou cela ». Elle m'a dit « Vous en ferez un homme ». Et j'en ferai un homme, où il sera le dernier de sa race. Déjà, il a vaincu son cœur dans un duel à outrance et assompli son intelligence dans la discipline. Je veux le pousser à d'autres épreuves qui achèveront de tremper son âme. Donc, je vais ceindre mes reins et marcher avec lui. Monsieur de Carlepont fit quelques pas devant la maison. On voyait la silhouette noire de sa grande taille passer et repasser sur la muraille blanche éclairée à demi par le crépuscule. Le feu de la résolution brillait sur son visage. « Parbleu !» s'écria M. de Bléré. « Il doit y avoir de la sauvagerie dans le Caucase. Pourquoi n'irais-je pas y chasser ?» Le duc lui serra la main dans l'ombre. « Maintenant, s'il fallait parler d'un autre ton, ajouta-t-il, je vous dirais qu'un grain de folie ne messie pas la jeunesse. Cela fait voir l'ardeur du sang et la fièvre de l'esprit. Je me méfie de ces sages de 30 ans qui n'ont jamais assez senti l'aiguillon. Tôt ou tard, le masque de cette fausse sagesse tombe, et laisse voir l'impuissance ou l'égoïsme, quelquefois les deux. Trop de calculs pèsent sur le monde et l'étouffent. Cela fait qu'on est triste et bête à un âge où l'on devrait voir la gaieté des oiseaux qui chantent, et l'esprit des fleurs qui s'épanouit sans y penser. Ma foi, « Je suis les vôtres, » s'écria le Breton. « Il ne sera pas dit qu'une folie de plus m'aura fait reculer. »